la prochaine chanson, elle est un petit peu spéciale. D'ailleurs, je vais me recoiffer. Oh, Larsen. Il y a de la censure par ici, là. Voilà, direct, on essaie de faire une chanson engagée, puis on nous censure. Bon, voilà, cette chanson, voilà, je voulais dire, elle est un petit peu spéciale, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des chansons engagées, nous, la Boulette Russe. Et là, justement, celle-ci, bah, on l'a composée exprès un jour où rien ne va plus, où on est tout blasé, quoi. Et... Le plus et puis, marrant, c'est que Simon, il vient de se tromper de chanson. Bah, on s'en fout, on fait celle-là, et puis c'est tout. Et donc... Donc on inverse les deux, c'est parti. Ok. Donc voilà, on a écrit cette chanson un jour où rien ne va, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un jour où il n'y avait plus de frites à la cantine, voilà, on était complètement blasés. Alors on s'est dit, on a commencé à rêver à une utopie. On a commencé à rêver à un monde meilleur et tout. Et puis là, on a direct pensé à la Californie.